Applaudissez. Chama, chama, yeyo. Wana, ebonga, ebonga te. Olinga, olinga te. Toujours meilleur, toujours meilleur. Thank you. Quatro na moto.